la plage, nos pointes noires, la belle. Allongée dans un hamac, sous les cocotiers. Un verre de lait de coco à la main, mon regard fixe l'horizon. Le ciel bleu sans nuage illumine mon regard. Je songe à ma vie de femme congolaise. Ce pays que l'on nomme liberté, dans la peau d'une exilée.